Et maintenant, comment diriez-vous, nous avons fini d'étudier l'italien pour aujourd'hui? Je vous signale que le L apostrophe devant le mot italien ne se traduit pas. Dites d'abord, nous avons fini. A. Abbiamo finito. Abbiamo finito. Abbiamo finito d'étudier. Di studiare. Di studiare l'italien. Di studiare italiano. Oui, pour aujourd'hui. Per oggi. C'est ça. Abbiamo finito di studiare italiano per oggi. Mille grazie. Merci beaucoup. Mille grazie. Mi sono divertita molto. Molte grazie. Molte grazie. Mille grazie. Vous voici parvenu au terme de cette méthode. Félicitations. Cette introduction vraiment passionnante à la langue italienne vous a permis en quelques heures seulement d'acquérir les connaissances nécessaires pour utiliser la langue de façon pratique et fonctionnelle. Vous avez aussi appris du vocabulaire qui vous sera très utile, mais cette méthode vous a avant tout permis de comprendre comment fonctionne la langue et comment vous pouvez formuler vos propres pensées et vous exprimer sans répéter des formules apprises par cœur. Vous pourrez vous exprimer en italien sans problème et en plus, vous éprouverez un véritable plaisir à le faire. Ce plaisir, vous l'aurez aussi lorsque vous dialoguerez avec des Italiens ou lorsque vous lirez de l'italien et que vous verrez votre vocabulaire s'étoffer peu à peu. J'espère que cet apprentissage a été pour vous une expérience enrichissante, car tout apprentissage, et pas seulement celui des langues, peut être passionnant. C'est cela que je voulais partager avec vous, parce que pour moi aussi, apprendre est une expérience passionnante. Merci.